Christophe Colomb, sa vie et ses découvertes, par Lucien Duras, chapitre 1er. De tous les grands explorateurs dont les travaux ont marqué par des assises nouvelles les bases de la science géographique, Christophe Colomb est celui dont la célébrité est le plus justement populaire, bien qu'il n'ait pas eu le bonheur d'attacher son nom à ses découvertes, et peut-être même à cause de cela. Car si l'on admire toujours, au moins après sa mort, restriction trop vraie, hélas, mais qui ne décourage point les volontés de faire, l'homme qui a dévoué toute sa vie à l'accomplissement d'une œuvre grandiose, à la poursuite d'une idée généreuse ou utile, il devient impossible de ne pas lui élever un monument de reconnaissance publique quand il a été la victime de son dévouement. Et c'est le cas de Colomb, dont l'existence, à part un jour de gloire, n'a été qu'une série de batailles contre l'indifférence, le mauvais vouloir et l'ingratitude de ses contemporains, qui lui méritaient une place d'honneur dans le martyrologe de la science, si l'histoire, dont les jugements font loi pour la postérité, ne lui en avait réservé une autre, sinon plus glorieuse, rien ne saurait être plus glorieux que de souffrir pour une grande idée, du moins plus enviable, en effaçant dans l'apothéose du triomphe final les vicissitudes et les misères de l'entreprise. Ce sont ces difficultés sans cesse renaissantes, ces obstacles toujours grandissants, ces périls de tous les instants, trop peu connus et surtout mal connus, que nous allons essayer de raconter en suivant pas à pas l'illustre navigateur d'après son journal de bord dans les 4 voyages qu'il lui fallut accomplir pour découvrir l'Amérique. L'homme qui eut la gloire d'ouvrir un monde nouveau à la civilisation européenne naquit vers 1436 dans l'état de Gênes assurément, mais on ne sait au juste dans quelle ville. Car Savone, Fiesale, Oneglia, Cogoreo, Nervi, Bodiasco et Gênes elle-même, Gênes surtout, revendique l'honneur de lui avoir donné le jour. Ce qu'il y a de plus certain, c'est que son père, Dominique Colomb, d'une ancienne famille de Plaisance, était un petit fabricant de lainage, assez aisé cependant pour donner à ses enfants une éducation presque complète. Aussi, Christophe, l'aîné, fut envoyé à l'université de Pavie, où à 14 ans, il savait autant de géographie, de cosmographie, de géométrie et d'astronomie que ses maîtres pouvaient lui en apprendre. Il quitta alors les bancs de l'école pour entrer dans la marine et fit plusieurs grands voyages sur les navires de commerce que la ville de Gênes envoyait sur toutes les mers. Il visita ainsi le Levant, l'Occident, le Nord, plusieurs fois l'Angleterre, le Portugal et les îles africaines. Il acquit même une telle réputation comme navigateur que la ville de Gênes le choisit pour commander ses galères lors de ses guerres contre la République de Venise et que plus tard, le roi René d'Anjou lui confia le commandement d'une expédition sur les côtes barbaresques. Ses choix successifs, expliqués d'ailleurs par l'instruction très supérieure à celle de tous les marins de son temps, que Christophe Colomb avait acquise, de lui-même, par les études spéciales qu'il faisait tous les jours théoriquement et pratiquement, lui donnèrent la notoriété, mais non point la fortune. Dans les intervalles de ses voyages, autant pour subvenir aux besoins de la vie que pour satisfaire la véritable passion qu'il avait pour la géographie, science bien incomplète alors et qui passionnait peu de gens, il dessinait des cartes qu'il vendait aux marins. C'est évidemment en se livrant à ses travaux que lui vint l'idée à laquelle il allait consacrer sa vie. Frappé de l'immense étendue qu'occupaient les mers sur la surface du globe, puisqu'on ne connaissait alors que l'Europe, l'Asie et l'Afrique, il ne put croire à un vide si considérable et en vint à se convaincre qu'il devait y avoir des terres dans ces parages inconnus. Non pas qu'il crût à l'existence d'un nouveau monde, il mourut même sans savoir qu'il l'avait découvert, mais il pensait que l'Asie devait avoir des développements beaucoup plus considérables. Aristote, qui à la vérité supposait le globe terrestre beaucoup plus petit qu'il n'était réellement, lui disait que les rivages de l'Asie n'étaient pas à plus de 2 000 lieues des rivages de l'Europe, mais il aimait mieux croire Sénèque et Strabon qu'il prétendait qu'il fallait très peu de jours pour aller de l'Espagne à l'Inde si le vent était favorable au vaisseau. C'était du reste le moment où le grand commerce européen préconisait la traversée de l'Atlantique comme un chemin beaucoup plus court aux richesses de l'Inde et de la Chine. Les savants, consultés journellement, discutaient, écrivaient, commentaient sur des épaves évidemment indiennes qu'on avait trouvées à diverses reprises au large du Cap Saint-Vincent, près de Madère, dans les Açores. Et comme on ne connaissait pas alors ce gigantesque courant qu'on appelle le Gulf Stream, on en concluait que l'Asie ne devait pas être très éloigné de l'autre côté de l'Atlantique. Le voyage ne paraissait pas impossible. On connaissait déjà les Açores comme point de relâche et on admettait l'existence des îles Antilia entre l'Europe et l'Asie. Ce mouvement d'idées, qui coïncidait si bien avec sa préoccupation actuelle, avec ce qu'on pouvait déjà appeler sa conviction, surexcita Christophe Colomb. Il se mit à lire toutes les relations de voyage, interrogea les vieux marins, s'entoura de tous les renseignements qu'il put recueillir et entra en correspondance suivie avec Martin Beheim, un savant, qui avait trouvé le moyen d'appliquer l'astrolabe aux besoins de la navigation, et le célèbre astronome Florentin Toscanelli. Bref, son projet était à peu près formé lorsque, dans une expédition qu'il fit sur les côtes de Portugal, le navire qu'il montait fut incendié. Tout ce qu'il avait fut perdu et il fut encore très heureux de pouvoir se sauver à la nage. Il gagna Lisbonne, où il se remit à dessiner des cartes géographiques, des plans nautiques et à fabriquer des globes terrestres qui se vendirent d'ailleurs très bien et lui firent faire la connaissance d'un gentilhomme italien, Bartolomeo Palestrello, navigateur habile et comme lui, très lancé dans le courant géographique qui venait de fonder une colonie dans l'île de Porto Santo, récemment découverte. Ce compatriote lui fit épouser sa fille, Donna Felipa, vers 1470, et mourant quelques années après, lui laissa pour héritage ses papiers, ses instruments, ses observations et sa petite colonie. Il est à peu près certain que Christophe Colomb résida quelque temps à Porto Santo et que les débris de végétaux inconnus qu'il remarqua sur les côtes augmentèrent encore sa grande préoccupation. Cependant, comme il fallait vivre, il prit part à quelques expéditions sur les côtes de Guinée. Puis, en 1477, il vendit ce qu'il avait à Porto Santo pour équiper un navire avec lequel il fit dans la mer du Nord et en Islande un voyage ayant pour but de se renseigner de visu sur les découvertes que la tradition attribuait alors aux navigateurs scandinaves. Car son projet était bien arrêté, il voulait, coûte que coûte, tenter sa grande entreprise. On ne sait pas quel fut le résultat de ce voyage. Il est cependant probable qu'il ne fut pas satisfaisant, puisque Christophe revint à Lisbonne, où il se remit à fabriquer des cartes et des sphères pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa femme. Vers ce moment, il eut de grandes espérances. L'astronome Toscanelli, qui était devenu son ami par correspondance, consulté par le roi de Portugal, Alphonse V, sur la possibilité de gagner les Indes par l'océan Atlantique, répondit par un mémoire affirmatif, recommandant Colomb comme un navigateur expérimenté, capable de mener l'œuvre à bonne fin. Colomb fut appelé à la cour, mais cette ouverture n'eut aucun résultat. Non que le roi ne crût pas au succès, mais il fut détourné de cette entreprise par la guerre qu'il eut à soutenir contre l'Espagne et mourut avant de trouver le loisir d'y penser. Son successeur Jean II, par une fourberie dont il fut d'ailleurs puni par l'insuccès de son expédition, feignit d'adopter les plans de Christophe Colomb et quand il les lui eut fait expliquer suffisamment, croyait-il, pour qu'un autre pût tenter l'aventure, il les renvoya devant une commission scientifique qui par deux fois les déclara chimériques et impies, pendant que lui-même équipait une carabelle qui partit pour atteindre la Chine en traversant l'Atlantique, mais qui rentra bientôt dans le port de Lisbonne, battu par une tempête et découragé par l'inexpérience du pilote et l'effroi des matelots. Justement blessé de cette indélicatesse, Christophe Colomb comprit qu'il n'avait plus rien à attendre du roi de Portugal, et voyant en lui un rival capable d'organiser une nouvelle expédition, il se décida à porter au plus vite sa proposition à sa patrie. La République de Gênes, celle de Venise à laquelle il s'adressa ensuite, accueillirent fort mal ses projets de navigation transocéanienne et il revint à Lisbonne juste à temps pour fermer les yeux de sa femme qui mourait de chagrin et peut-être de misère en lui laissant un enfant de 10 ans, en 1485. Alors, repoussé de tous côtés, traité de visionnaire par les savants officiels, harcelé par ses créanciers, rabaissé dans sa dignité, inquiété dans sa liberté, le pauvre grand homme s'échappa une nuit de Lisbonne et passa en Espagne avec son fils Diego, voyageant à pied, presque en mendiant, la plupart du temps portant son enfant sur ses épaules, sans ressources aucune, mais ayant dans l'esprit des espérances qui soutenaient ses forces et son courage, il allait offrir le monde nouveau qu'il se croyait sûr maintenant de découvrir à Ferdinand et Isabelle qui régnaient alors sur l'Espagne. Un jour pourtant la fatigue, la faim aussi peut-être, domptant sa volonté, il alla frapper près de Palos, à la porte d'un couvent de franciscains de Santa Maria de Rábida, demandant l'hospitalité pour la nuit. Ses bons pères le gardèrent 3 mois, car le prieur, Don Juan Pérez de Marchena, qui, frappé de son abattement autant que de la noblesse de ses traits, lui avait demandé la cause de ses chagrins, en cherchant à le consoler de ses insuccès par pure compassion, finit par partager ses espérances. Là, enfin, Christophe Colomb trouva de vrais savants qui s'intéressèrent à ses projets et crurent à son génie. Il leur expliqua ses plans. Ils les étudièrent en connaissance de cause, ne négligeant rien pour se renseigner auprès des navigateurs en renom, et l'encouragèrent à poursuivre son entreprise, s'offrant même à lui venir en aide. L'excellent Juan Pérez, qui avait été confesseur de la reine d'Espagne et qui avait conservé une certaine influence à la cour, lui donna des lettres de recommandation très pressantes et, pour qu'il fût plus libre de ses actions, se chargea de l'éducation de son enfant. Colomb partit presque joyeux pour Cordoue, où résidaient alors les souverains. Mais malgré les lettres de Pérez, il lui fallut attendre 2 ans avant de pouvoir être présenté à la reine. Et que de démarches ne dut-il pas faire? Que de supplications n'eut-il pas à adresser? Cela lui prenait toutes ses journées. La nuit, il travaillait de son métier d'imagier qui le faisait vivre, mais il ne perdait plus courage, il sentait qu'il allait réussir. Il ne touchait pas encore pourtant au terme de ses tribulations. Mis en présence de Ferdinand et d'Isabelle par l'archevêque de Tolède, l'illustre cardinal González de Mendoza, il leur expliqua ses projets avec une lucidité et une chaleur qui les convainquirent presque. Cependant, ils ne voulurent prendre de parti qu'après l'examen d'un concile de prélats et de savants religieux qu'on allait réunir exprès dans le couvent des dominicains de Salamanque. Christophe Colomb comparut devant ses juges en 1487, car il s'érigeait en juge scientifique, ces religieux qui ne s'étaient jamais occupés que des questions d'hérésie et de controverse, et naturellement, ils furent tous contre lui, ses idées frisant un peu l'hérésie. À cette époque où les questions religieuses passionnaient les classes dirigeantes et régnaient despotiquement sur les autres, la science officielle n'avait pas le droit d'être en contradiction avec les saintes écritures, et Christophe Colomb n'eut même pas à défendre son opinion sur la sphéricité de la Terre. On la terrassa avec des textes. La Terre ne pouvait pas être ronde, puisqu'on lit dans les psaumes que le ciel est tendu au-dessus comme une peau, et que saint Pierre, dans sa lettre aux Hébreux, compare le ciel à un tabernacle ou à une tente déployée sur la terre. Il fallait donc, de toute nécessité scientifique, qu'elle fût plate, Lactance et saint Augustin ayant prouvé victorieusement la non-existence des antipodes. Et d'ailleurs, objectaient les plus révolutionnaires de ces savants, en admettant presque les 2 hémisphères, s'ils n'en parvenaient jamais à descendre dans celui qu'on ne connaît pas, comment pourrait-on remonter dans celui-ci? Colomb perdit ses peines et son éloquence. Il n'y a pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre, et le collège de Salamanque ne voulait rien entendre. Le novateur fut renvoyé avec dédain. Le concile, ne comprenant que par la folie cette exorbitante prétention pour un homme du commun de vouloir faire une si grande découverte alors que la forme du monde a été l'objet des méditations de tant de philosophes et de savants et que tant de hardis marins y ont navigué depuis des milliers d'années. Méprisé, raillé, et devant encore s'estimer fort heureux de n'être point poursuivi pour crime d'hérésie, Christophe Colomb ne se rebuta point. Il fit tant, par sa persévérance et par son éloquence, que la reine Isabelle le prit sous sa protection. Son projet fut renvoyé successivement à diverses commissions, dont les opérations traînèrent en longueur, si bien que lorsque tout fut à peu près décidé en principe, Ferdinand était engagé dans la guerre d'extermination qu'il a entreprit contre les Maures. Et ce ne fut qu'après la prise de Grenade, c'est-à-dire en 1492, qu'il consentit sérieusement à traiter avec lui. Mais alors on marchanda le génie de l'homme qui allait enrichir l'Espagne. Indigné d'avoir attendu si longtemps pour se voir considéré comme un mercenaire, révolté des dédains dont il était l'objet de la part des grands, Christophe Colomb quitta Grenade, où il était venu trouver la cour, dans l'intention d'aller offrir au roi de France la conquête dont il était sûr maintenant. C'est ce départ qui a fait commettre à un historien peu coutumier du fait, cependant, cette énorme bourde de dire que François Ier, qui n'était pas né alors, avait refusé la proposition de Christophe Colomb, qui ne la fit pas même à Louis XII, car la reine Isabelle, apprenant sa fuite, fit courir après lui. Il revint, mais corrigé de sa modestie. Il comprit alors qu'un homme modeste est presque toujours pris au mot, et s'estima à sa valeur. Il voulut être nommé amiral de la flotte qu'il allait conduire, et vice-roi du pays qu'il allait découvrir. Il obtint tout ce qu'il demandait par traité signé le 14 avril 1492, plus en toute propriété un dixième des perles, pierres précieuses, or, argent, épices, denrées et marchandises quelconques obtenues de quelque manière que ce pût être dans les limites de sa juridiction. Enfin, après 18 années d'attente et dans la 56e de sa vie, Christophe Colomb allait mettre à exécution le projet qui devait l'immortaliser.